Qu'il pleuve encore, qu'il pleuve encore. Oh, Jésus, toi la source de vie. Qu'il pleuve encore, fais tomber la pluie du ciel. Oh, Jésus, toi la source de vie. Inonde-moi, inonde-moi. Oh, Jésus, toi la source de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada.